Chapitre 63e. Le billet doux. Le salon maintenant était vide quand Paulin Broquet, Gabriel en agent, ses hommes, d'autres agents, le commissaire du quartier y pénétrèrent. Paulin Broquet avait trouvé une fort grande mauvaise complaisance à le seconder dans le personnel de l'hôtel. On avait, sur son chemin, dressé tous les obstacles possibles pour retarder l'action de la police. Le personnel allemand, sachant qu'on allait opérer contre un compatriote, contre Otto Friedenstrasse, avait tout fait pour le gêner, pour lui faire perdre du temps, pour que les autres eussent le loisir, le moyen de fuir. Paulin Broquet ne venait pas au hasard. Il avait, avons-nous dit, des intelligences dans la place. Un homme à lui était là depuis quelque temps, depuis que l'amorce avait vu pénétrer dans le Stella Palace les gens, les touristes allemands qu'ils avaient reconnus sur le champ de manœuvre aux essais du détonateur Imailo. Paulin Broquet avait placé là son fidèle Hermann. Tout tranquillement, Hermann se donna comme touriste allemand. Il laissa entendre au personnel qu'il était en tourisme actif. On savait ce que cela voulait dire, et cette administration allemande facilita de son mieux l'œuvre de cet Allemand. Mais Hermann, astreint cependant à la plus grande prudence pour ne pas se brûler, ne pouvait aviser aussi facilement, aussi promptement qu'il l'eût voulu, qu'il lui était nécessaire, son chef. C'est pour cela qu'il ne put l'avertir que tard, alors que déjà la séance présidée par Will Wilson était commencée. Paulin Broquet était en bon bourgeois paisible quand la ville lui parvint. Il perdit du temps à joindre le commissaire du quartier, à lui remettre une plainte quelconque, un mandat de recherche qui lui donnait l'autorisation de perquisitionner dans le Stella Palace. Le bâtiment est immense, les couloirs sont très longs. Les escaliers hauts, surtout quand les ascenseurs, par un singulier contretemps, sont arrêtés par un accident inexplicable. Fort heureusement, le coup de feu tiré par le baron Osaka en se défendant, quand les hommes de Will Wilson, de Zygomar, les aides placés dans les couloirs voulurent s'emparer de lui, lui fournit un prétexte pour rater la perquisition et lui donna le moyen de se guider, d'aller à coup sûr, sans plus hésiter sur le chemin à prendre, sans écouter le guide. Cela demanda toutefois les quelques minutes qui suffirent à Will Wilson et à ses compagnons pour fuir. Quand Paul Broquet arriva, tout le monde était loin. Seul le baron Osaka gisait à terre, face contre le tapis. Vivement, Paulin Broquet courut à lui, le saisit, le releva. Aussitôt, il poussa un cri d'étonnement. « Un japonais !» Le baron Osaka avait reçu un rude choc sous la forte poussée du colossal fuyard allemand. Un moment étourdi, il reprenait maintenant rapidement possession de lui-même. Il retrouvait toute sa présence d'esprit, tout son calme, tout son courage. Ses yeux bridés brillaient singulièrement, et sa figure osseuse reproduisait le sourire railleur et impénétrable des masques japonais. « Merci, monsieur Paulin Broquet, dit-il, vous arrivez bien à propos pour me sauver la vie. » Paulin Broquet eut vite fait de le débarrasser des liens qui l'entravaient. « Pourquoi, comment ? » lui demanda-t-il. « Pourquoi ? Comment êtes-vous ici ? » Et ainsi, sans abandonner son sourire de masque, le baron Osaka répondit. « Si vous me trouvez ici, c'est que j'étais en relation d'affaires avec ces gens. Si vous me trouvez ainsi, prêt pour l'exécution, c'est que je ne suis plus leur ami. Ne m'en demandez pas plus. » « Je vais seulement vous demander votre carte et vous prier de vous tenir à la disposition du juge d'instruction. Rien de plus naturel, » répondit le baron Osaka en donnant sa carte au détective. « Vous êtes libre, monsieur, » lui dit alors Paulin Broquet. Quand l'opération, qui d'ailleurs ne donna pas grand résultat, fut terminée, le commissaire et Paulin Broquet se retirèrent. Ils n'avaient pas trouvé le radeau d'hôtel international qu'ils avaient, prétendaient-ils, mission de rechercher au Stella Palace. Dans son bureau, une fois rendu avec ses lieutenants, Paulin Broquet parlait de cet événement. « Enfin, chef, » osa demander Gabriel, « pourquoi, tenant un japonais, ne l'avez-vous pas gardé ? À quel titre ? Parce que victime de Zygomar ? On nous eut ri au nez, tandis que personne ne peut nous tacter de maladresse, d'avoir laissé encore Podangui fuir, alors que nous avons arraché de ses mains un prisonnier de marque. Très juste, chef. À quoi bon le garder ? Le baron Osaka ne nous aurait rien appris. » Et nous eut, grâce aux représentants de son gouvernement, causé de gros ennuis. Puis, il fallait laisser aller ce japonais, parce que l'heure ne tardera certainement pas à sonner, où nous saurons pourquoi nous trouvons si souvent, presque à chaque aventure, un japonais devant nous. Toutefois, dans la soirée, Paulin Broquet eut avec son lieutenant Hermann un assez long entretien. Le salon dans lequel se tenaient ces réunions, lui dit Hermann, est aménagé tout spécialement pour ces sortes d'assemblées. Il est relié avec la loge de l'huissier, dans laquelle se tient constamment un homme exprès. Par une série de signaux, le téléphone et même un petit télégraphe morse. Voilà pourquoi on a pu les prévenir de votre arrivée. Oui, c'est bien compris. c'est dans ce salon que se retrouvent les divers touristes qui vont visiter les curiosités stratégiques de la France. C'est là que se tiennent les conseils de l'état-major d'espionnage et de préparation à ce qu'ils appellent la prochaine promenade, à l'envahissement. Secouant la cendre de sa cigarette, Paulin Broquet reprit. « Laissons cela, nous n'en sommes pas là. Eux encore bien moins. Revenons à nos affaires. Tu n'es certainement pas sans savoir que le petit cycliste, parfaitement chef, c'est une femme. C'est la comtesse Varsovia, qui après l'affaire de l'opéra a disparu. Bon, alors tu vas, puisque tu es, toi, un des bons clients du palace, t'arranger pour savoir où elle habite réellement, car elle a un appartement dans l'hôtel, ou pour me l'envoyer, sous prétexte d'une course, dans un endroit que je te désignerai et où nous pourrons la coffrer. Chef, dit Hermann, la comtesse cesse d'être cycliste vers le soir pour redevenir femme. Elle est alors la fille d'un affilié et occupe avec son pseudo-père un appartement dans l'hôtel. J'ai fouillé cet appartement, rien d'intéressant. Bon, alors nous allons prendre le cycliste dehors. Cela d'ailleurs vaudra mieux, sera plus sûr. Paulin Broquet prépara aussitôt le plan d'arrestation du petit cycliste avec Hermann, qui était, nous le savons, très intelligent et très habile. « Je veux, lui dit-il, que ce coup soit fait de telle façon que personne, pas même Zigomar, ne puisse, sur le premier moment, deviner ce qui se sera passé. Nous allons faire ça tout de suite, demain, dans l'après-midi. » Le lendemain, en effet, au Stella Palace, Hermann demanda le cycliste et le chargea d'une course pressée. Dans un baragouin franco-prussien épouvantable, se donnant beaucoup de mal en apparence pour se faire comprendre du cycliste, il lui dit de porter à toute pédale un billet doux à une charmante personne qui habitait près de la place Pereire. C'était quelques coups de pédale pour un cycliste, et cela ne devait pas demander beaucoup de temps.